Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, un fait divers qui a défrayé la chronique judiciaire de l'après-guerre, l'affaire Marie Bénard, dite l'empoisonneuse du siècle. Pendant 12 années, on a accusé cette femme du crime de 12 personnes, dont son mari et sa mère, tous victimes d'empoisonnement à l'arsenic. 12 années où, dans le département de la Vienne, on s'est interrogé quand, le soir venu, on s'attablait autour d'un bouillon. Alors on se disait, est-il sain? Dois-je attendre avant de le goûter? Nous allons nous plonger dans une décennie souvent oubliée, celle des années 50, période de transition entre deux mondes, de celui de la terre et des lettres à celui du béton et de l'image. Le procès de Marie Bénard a connu les honneurs de la presse, de la radio, puis des premières heures de la télévision. Drame rural, local, où les rumeurs ont force de loi, l'affaire Marie Bénard a été aussi le sujet de discussions de grandes tables d'écrivains, d'hommes de science, mais aussi de vedettes du music-hall, dont Charles Trenet. L'histoire de cette femme, c'est celle d'un huis clos dans une petite ville de province qui, trois siècles avant cette affaire, en avril 1634, avait déjà envoyé au bûcher un notaire royal qui s'était aventuré à séduire des religieuses qui, après avoir péché, l'avaient accusé de les avoir ensorcelées. Même si en 1949, le temps n'est plus à la sorcellerie, la guillotine coupe encore les têtes des assassins. Fait divers, l'affaire Marie Bénard devient au fil des années une farce judiciaire dans laquelle des inspecteurs, des juges et des experts, grâce à cette histoire, espèrent passer sous les feux de la rampe. Seuls les avocats de Marie sortiront grandis de ce procès, eux qui n'ont pas écouté les racontars, mais qui ont cherché à établir et à rétablir les faits. Pour parler de l'histoire de cette femme et de ses malheurs, nous recevrons en seconde partie Madeleine Levaux-Fernandez, historienne et biographe, auteur d'un livre intitulé « Marie Bénard, l'honneur d'une femme ». Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot avec l'appui des documentalistes de Radio France. Coordination Christophe Barrère, attaché de production Lucille Valérie, programmation musicale Muriel Pérez. Réalisation Stéphane Ronxin, à la technique aujourd'hui Lucas Vaillant. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Je voudrais que vous puissiez penser une minute seulement que je suis innocente. Oui, je suis innocente. Représentez-vous ce qu'a été ma vie, toutes ces longues années, et ce qu'elle est encore. Ici, j'étais heureuse, très heureuse. J'ai vécu avec des gens que j'aimais, un mari que j'adorais. Je l'adore encore, puisque dans mes moments douloureux, c'est toujours vers ceux que j'ai aimés que je tourne mes dernières pensées. La voix que vous venez d'entendre est celle de Marie Bénard. En mars 1959, François Chalet, journaliste de la toute jeune émission 5 colonnes à la Une, est envoyé à Loudun, dans cette petite commune de la Vienne de 6000 âmes, pour recueillir, et pour la première fois, les confidences de cette dame dont l'histoire fait les gros titres de la presse locale et nationale. Les malheurs de Marie Bénard commencent 12 ans plus tôt, pendant l'automne 1947. Cette année-là, lors du second dimanche du mois d'octobre, elle quitte Loudun avec son mari Léon pour rejoindre une ferme dont elle a hérité, située aux abords de la commune de Saint-Pierre-de-Maillé. Au cours de ce voyage en voiture, ils emmènent Gaston Baraudon, le gérant du café Le Cheval Blanc, qui lui aussi possède une maison dans le coin. Les jours défilent, chacun vaque à ses occupations. À la fin du séjour, le 16 octobre, avant de reprendre la route, Gaston est de retour à la ferme. Au menu du repas, un peu de viande, des haricots, des œufs sur le plat et un bouillon préparé par Marie. Tout va bien, jusqu'à l'heure du départ, car en préparant la voiture, Léon se sent mal, puis vomit. Un peu pâle, il décide tout de même de prendre la route. Quelques heures après, Léon et Marie arrivent à Loudun, au 14 avenue du Poitou. À leur domicile, les attend la mère de Marie, Marie-Louise Davaillo, et Alfred Dietz, un ancien prisonnier allemand qui travaille à leur service. À peine la voiture rentrée, Léon est pris une nouvelle fois de vomissements. Fatigué, il ne peut rien avaler et part se coucher. À son réveil, il recommence à vomir. On appelle alors le médecin. Diagnostic, une crise de foie, bon, seul le repos l'aidera. Mais la crise ne passe pas, et Léon continue à s'affaiblir. Inquiet, on réalise une prise de sang. Et là, les résultats prouvent qu'il est gravement malade. Coincé au lit, c'est alors toute la ville qui vient au chevet du malade, dont Louise Pintou, la receveuse des postes. C'est une très bonne amie de Marie. Elle vient souvent l'aider, notamment lorsqu'elle s'occupe de sa mère. Désormais, c'est son mari qu'elle vient soutenir. 9 jours après avoir mangé cette dernière soupe, le 25 octobre 1947, Léon Bénard s'éteint. À 22 heures, il n'avait que 53 ans. Quelques jours après l'enterrement de Léon, une lettre arrive sur le bureau du procureur de la République. Elle est signée Auguste Massip. Avec ses frères, ce monsieur est propriétaire d'un château délabré à Vézières, situé à quelques kilomètres de Loudun. Dans cette lettre, Auguste Massip accuse Marie Bénard d'avoir empoisonné Monsieur Bénard, son mari. Mais comment a-t-il eu connaissance de ce décès d'abord? Eh bien, il se trouve que Louise Pintou, l'amie de Marie Bénard, est venue lui rendre visite récemment et s'est laissée aller à la confidence. Elle lui a raconté que lors de sa dernière visite auprès de Léon, celui-ci lui aurait dit, je cite, « Marie, quand elle a servi la soupe, il y avait déjà un liquide dans l'assiette. » Auguste Massip court alors chercher sur son dictionnaire de médecine et vérifie la définition du mal dont souffre Léon, une crise d'urémie foudroyante. Puis il tourne les pages pour lire celle qui parle de l'empoisonnement à l'arsenic. Vomissement, brûlure, œdème pulmonaire, pour lui c'est sûr, Léon a été empoisonné. Et sans rien dire à personne, et surtout pas à Louise Pintou, Auguste Massip, toujours prompt à écouter et relier tous les ragots du village, décide d'en informer les plus hautes autorités judiciaires. Après la réception de cette lettre, les gendarmes lui rendent visite, ainsi qu'à Louise. Monsieur Massip confirme ses propos. Louise, elle, réfute les dires de l'ami Auguste. Une confidence de Léon, du poison? Monsieur Auguste, vous ne le connaissez pas, il est complètement fou, répond-elle. Bon, l'affaire est classée, sans suite. Pour un temps, car 2 ans après ses funérailles, le fantôme de Léon ressurgit. Un inspecteur a eu vent des histoires autour de Marie. Et le 9 mai 1949, Monsieur Normand, tel est son nom, frappe au domicile de Marie Bénard avec en tête une seule idée. Qu'en est-il de ces rumeurs? Marie Bénard a-t-elle empoisonné son mari? Était-elle coupable d'autres crimes? Bref, l'affaire Bénard débute. Vous vous souvenez du jour où vous êtes pour la première fois présenté au domicile de Marie Bénard? J'ai été appelé pour un cambriolage. Il ne s'agissait pas d'un cambriolage normal, car rien n'avait été dérobé. Ce cambriolage avait eu lieu chez une dame Pintou. C'est elle qui avait recueilli les dernières paroles de Bénard sur son lit de mort. Qu'est-ce qu'il lui dit alors? Qu'est-ce qu'il lui dit? Bénard, sur son lit de mort, a dit ceci à Madame Pintou. Nous allions manger la soupe. Le couvert était mis. J'ai vu un liquide blanc dans mon assiette. Marie, Bénard, a versé la soupe dessus. J'ai mangé et presque aussitôt, j'ai vomi. C'est qu'à Loudun, le bouche-à-oreille fonctionne à merveille. Quelques semaines après les obsèques de son mari, Marie Bénard, comme le reste de la ville, apprend l'existence de la lettre de Monsieur Massip, tout comme la visite des gendarmes au domicile de l'ami Louise Pintou. Désormais, sur la place publique, que ce soit au café du Cheval Blanc ou à la sortie d'office du dimanche, tous les habitants ont leur mot à dire sur la vie et les histoires de Marie Bénard. Parmi ses critiques récurrentes, on parle souvent, par exemple, de la relation qu'elle entretiendrait avec Alfred Dietz, l'ouvrier agricole du couple. Un Allemand. L'Allemand est-il son amant? Est-ce pour cela qu'elle aurait empoisonné Léon? Dans ce petit jeu des rumeurs et des médisances, Marie Bénard ne reste pas silencieuse. Et un beau jour, lors du marché, devant tout le village, elle demande au ciel qu'un malheur arrive au Massip avant le premier anniversaire de la mort de Léon. Et le 18 octobre 1948, soit 8 jours avant le premier anniversaire, le château des Massip brûle. Selon l'enquête officielle, ce fâcheux incident n'a rien de surnaturel, mais le fait de 2 enfants qui ont joué avec des allumettes. Quelques mois plus tard, c'est Louise Pintou qui est victime d'un cambriolage où seuls 3 matelas et du linge sont dérobés. Quand la police demande à Louise si certaines personnes seraient susceptibles de lui en vouloir et d'avoir réalisé ce faux cambriolage, Madame Pintou souffle tout naturellement le nom de Marie Bénard. Eh oui, entre les 2 femmes, l'amitié sans faille d'hier a laissé place à une rancœur tenace. Au mois d'août 1948, par exemple, afin de réorganiser ses affaires, Marie Bénard a vendu sans prévenir son amie la maison qu'elle lui louait. Désormais, rien ne lie plus ces deux femmes, à part les commérages et la rancœur d'une amitié trahie. C'est alors qu'arrive l'inspecteur Normand. Jeune et pragmatique, il ne croit en rien à la culpabilité de la veuve dans l'incendie ou le cambriolage, mais il n'est pas insensible aux histoires qui tournent autour du personnage énigmatique de Marie. Les bruits de la ville accusent en effet Marie Bénard d'autres assassinats, en plus de celui de son mari. C'est Auguste Massip qui est à la source de ces révélations. Après l'incendie de son château, il a mené sa petite enquête. Allant de cimetière en cimetière, muni d'un petit papier, il a noté les dates des décès de proches de Marie, puis il a imaginé les avantages de ses départs vers l'au-delà pour les finances de madame. Et comment dire ? Eh bien, sinon qu'à la lecture de cette liste où se trouvent 12 noms, on se rend vite compte que chez les Bénard, on a la santé fragile. Une santé qui fait les affaires des pompes funèbres, mais aussi des comptes bancaires de la veuve. Le 9 mai 1949, un juge de Poitiers signe une commission rogatoire où l'on peut lire « Mort suspecte de Léon Bénard, empoisonnement ». Marie est alors convoquée et entendue par la police. Elle nie tout. Qu'à cela ne tienne, la justice décide d'exhumer le corps de Léon. Le 11 mai 1949, sous les regards des curieux, les représentants du parquet de Poitiers, le greffier, le juge d'instruction, le maire de Loudun, tous assistent à la levée du corps de Léon et au prélèvement des viscères du défunt. Parmi les témoins, il y a le jeune Bourdon, fils des fossoyeurs, qui plus de 50 ans plus tard se souvient de ce jour au micro d'Alexandre Hérault pour l'émission intitulée « Le vif sur le sujet ». Alors les fossoyeurs, il y avait Rousseau, Champigny qui conduisait le corbillard, Touillet, il devait y avoir Monsieur Arnaud, puis mon père. Et il était croque-mort, quoi, parce qu'il n'y avait, avait pas les pompes funèbres comme maintenant. C'était au mois de mai, vous voyez. On était en face au monument aux morts pendant que mon père faisait l'exhumation de Léon Bénard, la première exhumation. Il vous interdit d'aller à l'exhumation ? Oui, il n'a pas voulu que j'y aille. Et moi, j'avais fait les boîtes, les caisses pour mettre les bocaux qui sont partis à Marseille. Les bocaux sont donc envoyés à Marseille, au docteur Béroux. Une sommité du petit monde des experts scientifiques, ce docteur Béroux. Il est notamment l'auteur d'un précis de criminologie et de police scientifique, et il vient de fonder un petit musée de l'histoire criminelle. Après avoir effectué les tests, il conclut que le corps de Léon contient une dose de 19 mg et 45 centièmes d'arsenic. Pour lui, la mort de Léon Bénard est donc criminelle. Le 21 juillet 1949, après un nouvel interrogatoire, Marie Bénard est incarcérée à la prison Pierre Levé. À 53 ans, après avoir connu la vie d'une jeune fille de paysan, deux mariages heureux, Marie Bénard entre en prison. Elle découvre alors une petite cellule au mur gris, avec un vasistas grillagé, une simple paillasse et un évier. Ici, elle n'est plus que l'accusée Bénard. À Loudun, dès son arrestation, c'est l'effervescence. Les journalistes de tout le pays descendent dans la Vienne, dont ceux du journal Détective. Dans leur article du 8 août 1949, messieurs Gray et Renaud décrivent la ville en ces termes. Des vieilles rues pleines d'ombre, mêlant leurs entrelacs sur le dos d'une colline, une ville charmante, ancien fief fortifié. C'est derrière la porte d'une de ces maisons, une porte de bois clair, luisante de vernis, que se déroulait le drame qui a mis toute la région en émoi. Effectivement, durant cet été 49, on retourne bon nombre de cerveaux, de caveaux, tous ceux des défunts de la famille Bénard, dont on juge suspect le passage de vie à trépas. Ils sont 12 à être sortis de terre. Auguste Antigny, premier époux de Marie, Madame Lecomte, une grande tante, Toussaint Rivet et Blanche, Rivet, des amis du couple, Pierre et Marie-Louise Davaillot, les parents de Marie, la grand-mère maternelle de Léon, les parents de Léon, la belle-sœur de Léon, et encore deux cousines de Léon, Pauline et Virginie. À chaque fois, c'est la même opération. On ouvre les cercueils, on prélève des viscères et on envoie le tout dans les bocaux, direction Marseille, dans les laboratoires du docteur Béroux. Après analyse, tous contiennent de l'arsenic à plus ou moins forte dose. Le 28 décembre 1949, Marie Bénard est notifiée de 12 inculpations au chef d'homicide volontaire. 14 semaines plus tard, le 20 février 1952 à Poitiers, s'ouvre le procès de l'empoisonneuse du siècle. Au palais de justice de Poitiers, les assises de la Vienne se sont ouvertes sur le procès de Marie Bénard, celle que les rumeurs nomment l'empoisonneuse de Loudun. C'est de Loudun que partit en effet l'accusation qui la rend responsable de 12 empoisonnements échelonnés sur 20 ans. Dans cette maison, derrière cette fenêtre close, s'éteignait en 1947 l'époux de Marie, Léon Bénard. Il fut enterré sans histoire dans le petit cimetière de la ville. C'est alors pourtant qu'en évoquant les circonstances singulières de cette mort qui laissait Marie très riche, on commença à douter de son rôle et on se mit à murmurer. Les commentaires allèrent bon train. On exhuma les corps, on découvrit des traces d'arsenic. Aujourd'hui, la foule se presse aux portes du palais où se joue le sort de Marie Bénard. Après 2 ans d'incarcération, Marie Bénard apparaît. Les journalistes découvrent alors une petite dame au buste raide, aux doigts crispés, des yeux noirs, derrière de larges lunettes, un voile noir sur les cheveux et une voix aux sonorités de petite fille. De son banc des accusés, quand elle tourne son visage vers le public, elle reconnaît bon nombre d'habitants de Loudun qui ont fait le déplacement pour assister au procès, dont 86 témoins qui vont du voisin au cafetier, du pharmacien à la sage-femme et qui chacun a une anecdote à raconter sur la veuve Bénard. Mais la justice ne doit pas juger les mœurs et les humeurs de la ville comme cette dame. Elle doit chercher à savoir s'il est justifié de lui imputer les assassinats. Or, un seul homme peut éclairer la justice, le docteur Bérou, l'expert de Marseille, celui dont on ne discute pas les conclusions et qui répète depuis 2 ans qu'il a trouvé de l'arsenic dans les viscères des défunts examinés. Lors d'un jour d'audience, l'un des avocats de Marie, Albert Gautra, l'interroge sur la méthode qu'il a utilisée lors de ses expertises. La méthode marche. Alors sans tomber dans un cours de chimie, on peut la résumer ainsi. Pour connaître la présence d'arsenic, on passe l'échantillon du défunt dans de l'acide sulfurique. Seule la matière minérale est alors conservée. On mélange le tout dans un récipient clos avec de l'hydrogène. Si de l'arsenic est présent, un gaz se constitue et se condense sous forme d'anneau argenté. À la barre, le docteur Bérou indique qu'il peut reconnaître ces cercles caractéristiques d'arsenic à l'œil nu. C'est alors que l'avocat Gautra sort de sa poche 6 tubes avec des mélanges toxiques qu'il présente à l'expert et demande lesquels contiennent de l'arsenic. Un peu surpris, le docteur Bérou ne se démonte pas, regarde les 6 tubes et en sort 2 du lot. Cela, monsieur, raté. Aucun des tubes de l'avocat ne contenait de l'arsenic. L'expert tombe dans le piège. Le lendemain, les journaux de tout le pays se gaussent de la mésaventure que vit cette sommité de la science médico-légale. Dans le Figaro, Pierre VI écrit « Nous vîmes fondre le monument scientifique connu comme cire dans le feu d'une forge ». Marie Bénard y va aussi de son bon mot et déclare « 2 yeux, on voit mieux qu'un seul ». Après cet épisode fâcheux, les avocats de la Défense demandent le renvoi du procès pour la contre-expertise appelée depuis le début de l'instruction. Le président du tribunal ne peut qu'accepter la demande, évidemment, et le procès est renvoyé. Les curieux et les loudanais devront attendre pour voir tomber la tête de la veuve Bénard, qui retourne en prison. Durant ce premier procès, ce n'est pas elle qu'on a jugée, mais la justice qu'on a vue trébucher, comme le racontent Madame Simone et Hervé Bazin, femmes et hommes de lettres célèbres de l'époque, qui se sont faufilés parmi les curieux lors de ces audiences. Ce procès, une farce, comme il le raconte au micro de l'émission La Tribune de Paris, sur Paris Inter. Madame Simone, vous vouliez dire ? Eh bien oui, je voulais dire que moi j'ai été extrêmement surprise parce qu'enfin, le procès des experts, en somme, qui tout à coup a pris place au lieu du procès de Marie Bénard, tout à coup dans l'enceinte de la cour d'assises de Poitiers. Il m'a semblé que tout de même, on aurait pu très très vite y voir beaucoup plus clair, puisque les fameuses caisses, les fameux bocaux, scellés, non scellés, recellés, était parti de Poitiers, comment est-il possible que le président qui dirigeait les débats n'ait pas pris sur lui d'ordonner immédiatement de citer à la barre les personnes qui étaient responsables de l'envoi des caisses, puisqu'elles étaient parties de Poitiers, on avait donc sous la main les personnes qui avaient scellé ou non scellé les caisses et les bocaux. Hervé Bazin. Je dirais plus, il y a une chose qui est étonnante, je ne comprends pas qu'on puisse envoyer des cadavres dans une caisse comme on envoie des petits pois. Car en plus du coup d'étude, les avocats de l'accusé ont mis en évidence effectivement certains dysfonctionnements dans la procédure d'expertise. Par exemple, une caisse contenant des parties d'un défunt est partie avec 10 bocaux, 2 ont été perdus lors du voyage. Des erreurs qui obligent l'instruction à repartir de 0. De nouveaux experts sont alors nommés. La terre est une nouvelle fois retournée, les corps à nouveau découpés, puis envoyés au laboratoire. Marie Bénard, elle, attend prison. Alors, est-ce que la science lui sauvera la tête ? A-t-elle, oui ou non, empoisonné ses proches ? J'éprouve un poison raffiné, plus rare que venin de scorpion et liqueur de curare. La ciguë de Socrate, le datura d'Hamlet, la spique de Cléopâtre, l'eau d'un homme de Juliette, le poison des esthètes, l'opium de Baudelaire, le pavot des poètes, au milieu des éthers, sans rien à compter de ce filtre violent, silencieux et damné. Qui enivre l'esprit, la fatale vengeance et le cinglant mépris. La lente consomption d'une âme qui s'ennuie et la main qui corrompt un trop vierge fruit. Hé, le temps, assassin! Les journées perdues, les souvenirs malins qui torturent et qui tuent. Oh vous, tous les parfums d'une mort très discrète, vous les obscurs moyens, vous les sombres recettes, n'êtes rien à côté. Ce filtre violent mon amour inquiétant. Ici Frédéric Potcher qui vous parle de Bordeaux. L'audience est ouverte, déclare le président Porquerie de Boisserin. Beaucoup de monde dans la salle, mais pas de confusion. Prestation de serment des jurés, appel des témoins. L'avocat général Steck précise sa position avant même la lecture de l'acte d'accusation. L'accusation ne retient contre Marie Bénard que 6 des cas d'empoisonnement sur 12. Il s'agit des décès de Léon Bénard, le mari, des vieux Davaillot, père et mère de l'accusé, de Pauline Laleron, cousine de Léon Bénard, et Blanche Lebeau, épouse Rivet. 5 ans après son arrestation, Marie Bénard est de nouveau devant les juges à Bordeaux. Son second procès s'ouvre le 15 mars 1954. Comme à Poitiers 2 ans plus tôt, Frédéric Potcher, le plus célèbre des chroniqueurs judiciaires de la radio-télé française, est sur place. Comme ses confrères, après l'échec du premier procès, il doute de la culpabilité de la veuve Bénard, qui a renforcé de son côté sa défense avec une femme, figure du barreau de Bordeaux, Jacqueline Favreau. Lors de la première journée d'audience, on interroge une nouvelle fois l'accusé sur son enfance, ses premiers amours, sa vie avec Léon. Marie est née à la fin du grand siècle, à Saint-Pierre de Maillé, dans une famille de paysans. À 18 ans, elle tombe amoureuse d'un cousin dont la fragilité des poumons l'éloigne des tranchées de la Grande Guerre. En 1920, elle l'épouse. Le mariage dure 7 ans, jusqu'à ce que ce premier mari pousse son dernier souffle pendant l'été 1927. Veuve et aussi fille unique d'une famille de paysans propriétaires de plusieurs maisons et domaines, elle rencontre ensuite, à l'aide d'une cousine de Loudun, Léon Bénard, le fils des Cordiers. En août 1929, ils se disent oui devant monsieur le curé. Un mariage heureux, mais sans enfant. Marie a subi une ovariectomie, une opération lourde qui l'empêche, par définition, de devenir mère. Malgré cette épreuve, le couple vit une vie paisible, amoureuse, à l'abri de besoins, et puis il gère sa petite fortune. Bien. Mais derrière cette vie rangée, sans histoire, qui est vraiment Marie Bénard? Quelle femme est-elle? Lors d'une audience, un psychiatre tente d'y répondre. Pour Paris Inter, Frédéric Potcher raconte. Aujourd'hui, à 14h, à la reprise de l'audience, le docteur André Cellier, médecin expert devant la Cour de Paris, a été appelé à la barre. Ce premier témoin, éminent psychiatre, a examiné Marie Bénard à la roquette. C'était une détenue modèle, dévote, courtoise, serviable, aucune hérédité mentale, équilibre psychique parfait. D'intelligence moyenne, poursuit le témoin, l'accusé est doué d'une excellente mémoire et d'une attention très précise. Elle n'a pas d'imagination, sinon une imagination utilitaire. Elle possède une grande intelligence pratique mais aucune intelligence abstraite. Le docteur Cellier adore les formules et il en a une excellente. L'accusé, dit-il, est typiquement normal. Elle est anormalement normale. Par contre, elle est très peu sensible et très peu émotive. Sa volonté est tenace, obstinée, et sa maîtrise est rare. Et je déclare qu'elle est merveilleusement responsable de ses actes. Ensuite, et pendant plusieurs jours, ce sont des anciens compagnons de Marie qui témoignent, dont l'une des vedettes est Louise Pintou. Portant chapeau, tailleur et gants, l'ancienne receveuse des postes respire l'honorabilité des gens des PTT. Et c'est avec attention qu'on l'écoute raconter les confidences de l'accusé. Quels étaient les rapports entre Alfred Léon et Marie? Eh bien, dit-elle, un jour j'étais à ma fenêtre, avec ma fille, au rez-de-chaussée. Monsieur Bénard est passé dans la rue, furieux. Il nous a dit « Je suis dans une colère, ce boche ne m'écoute plus. C'est malheureux, mais c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Je suis le domestique de mon domestique, et c'est bien Marie qui en est la cause. » Dans la presse, des habitants de Loudun vont un peu plus loin, en indiquant notamment que certains ont vu la Marie et l'Allemand se retrouver parfois dans la grange. D'autres histoires viennent également aux oreilles des avocats et journalistes, des histoires qui concernent les relations entre Madame Pintou et Léon Bénard. Était-il amant? C'est, paraît-il, un secret de Polichinelle à Loudun. Lors des audiences, Louise pourtant le niera, toujours. Bon, passons. Ce qui va changer la donne pendant ce second procès, ce sont ses doutes. En effet, à la fin de l'audition, Maître Gautra l'interroge sur les confidences, sur son lit de mort de Léon Bénard. « À quel moment avez-vous cessé de douter des propos que vous a tenus Léon ?» lui demande l'avocat. « J'aurais douté toute ma vie si l'analyse des toxicologies n'avait pas été positive, » répond-elle. « Et maintenant, doutez-vous encore » poursuit-il. Après un long silence, elle répond « Oui ». L'avocat a une nouvelle fois réussi son coup. Désormais, le doute est partagé. À chaque prise de parole, les journalistes, eux, s'interrogent sur la véracité des témoignages de ces habitants de Loudun, comme ce jeune homme qui, à la barre, parle des baisers de Marie Bénard. On s'est beaucoup occupé aujourd'hui de la maladie de Léon Bénard. On pensait que Marie avait empoisonné son époux afin d'hériter. Las, on a trouvé autre chose. Cette autre chose serait tout simplement l'amour. Oyez plutôt. À la barre, un jeune homme qui a travaillé comme ouvrier agricole en 1946 chez les Bénard. Il avait 15 ans. Il fallait, dit-il péniblement, que je l'embrasse chaque matin et puis chaque soir. Et que ça avait toujours été comme ça avec les commis de ferme, qu'elle disait. Un jour, elle a relevé ses jupes pour me montrer ses bas. Eh ben moi, j'ai été mal vu. J'ai été mal vu parce que je n'ai plus voulu l'embrasser. De ce jour-là, j'ai été aussi mal nourri. Sur son banc, Marie Bénard se secoue de rire. Et cela continue. Maître Ducluseau. Voyons, comment mangiez-vous? Est-ce que vous mangiez seul ou avec vos patrons? Le témoin. Avec les patrons. La défense. Et après que vous avez refusé de vous laisser embrasser? Le témoin. Oh, après, il y en avait beaucoup moins dans l'assiette. L'hurluberlu qui joue le rôle le plus fou de ce procès n'est autre qu'Auguste Massip, l'auteur de la première lettre d'accusation et de la liste des morts suspectes. Lors de son audition, telle une chouette sur sa branche, il se met à hurler, puis imiter chaque personnage et les petites histoires qu'il colporte sur Marie Bénard. Un vrai cirque qui a fait le bonheur du public et des chroniqueurs, bien sûr. Jean-Marc Théolaire, journaliste du Monde, résume ainsi cette audition. Jamais le ridicule n'atteignit aussi loin dans une enceinte de justice. Mais ce qui est grave et inquiétant, c'est qu'il a fallu attendre 6 ans pour qu'un magistrat découvrit enfin qui était Monsieur Massip. Effectivement, en quelques minutes, toutes les paroles rassemblées, annotées, bruitées dans la presse par l'instruction autour de ce témoin capital se dissipent comme neige au soleil. Les témoins n'apportant pas de preuves satisfaisantes pour nourrir les accusations à l'encontre de la veuve Bénard, la cour en appelle une nouvelle fois à la science. Lors de ce second procès, ils sont 3 experts officiels, un doyen de faculté et 2 éminents professeurs, dont Henri Griffon. Et comme lors du procès de Poitiers, l'examen à l'oral de leurs conclusions se frotte à la vie et aux questions des avocats de Marie. Maître Gautra s'interroge notamment sur un point épineux du dossier. L'eau de pluie véhiculée par la terre des cimetières pouvait-elle se propager jusqu'au cercueil et justifier ainsi une intoxication post-mortem? À cette question, le professeur Griffon répond avec certitude non, car l'arsenic est insoluble dans l'eau. Sauf que cette vérité ne fait pas l'unanimité au sein de la communauté scientifique et Maître Gautra a déniché un professeur, monsieur le peintre, ingénieur hydrologue, qui démontre en audience l'inverse des explications de monsieur Griffon. Une thèse d'autant plus crédible que le 29 mars, on appelle à la barre monsieur Morin, entrepreneur des monuments funéraires. Les Bénard, d'excellents clients, dit-il. Mais ce n'est pas pour cela que les avocats l'interrogent. Non. La question c'est, la tombe de Léon, lors de son ouverture, était-elle remplie d'eau? Oui. De plus, était-il vrai que le gardien du cimetière s'attelait à la culture de la pomme de terre? Oui. Et je me suis plaint de ses abus, répond-il. C'est ainsi qu'on apprend que pour ces cultures, le gardien utilise régulièrement de l'arséniate en guise d'insecticide. Tiens donc, et si c'était lui, l'empoisonneur? Jour après jour, la bataille des experts se poursuit. Les juges, comme les journalistes, eux, tentent de suivre sans se perdre dans ces études, calculs et croquis. Un homme, enfin, emporte l'enthousiasme de l'ensemble de l'assemblée. C'est un jeune chercheur, toxicologue talentueux, qui s'intéresse à l'arsenic. Après les polémiques des scientifiques, largement relayées par la presse, il a réalisé des expériences. Pour lui, on peut trouver de l'arsenic dans le corps d'un cadavre sans pouvoir affirmer qu'il a été absorbé avant la mort. Sa représentation est claire, même pas pompeuse. C'est bien, mais peut-il prouver? Il l'affirme, mais pointe avec honnêteté qu'il faudrait poursuivre quand même ses recherches pour confirmer ses premières hypothèses. Une nouvelle fois, les jurés, comme le président, sont complètement perdus. Donc le procès est renvoyé. De nouveaux experts sont nommés pour étayer ses recherches. Marie Bénard, elle, est remise en liberté, cette fois après paiement d'une caution importante. Le 12 avril 1954, elle est libre et décide de retourner chez elle. C'est dans sa maison, 5 ans après, donc en 1959, qu'elle reçoit le journaliste de 5 colonnes à la Une qui l'interroge sur ce retour à Loudun. Nous sommes en 1954, vous venez d'être mise en liberté provisoire et vous rentrez chez vous à Loudun, dans cette maison où nous nous trouvons à ce moment. Et ça, il faut dire que ça a beaucoup étonné les gens. Il vous a fallu du courage pour revenir chez vous? Monsieur, je ne vois pas pourquoi. Moi, je savais qu'ici, c'était ma place. Je savais que je devais voir ma triste maison, qui a été négligée pendant ces 5 années, dans laquelle je ne pouvais à peine pénétrer par les toiles d'araignée. Mais on a dit, par exemple, que la population avait l'intention de sonner le tocsin. Est-ce que c'est exact? Monsieur, ça je n'en sais rien, mais il y a partout des petits esprits. Et quelle était l'attitude de la population quand vous êtes revenu? On me regardait comme une bête curieuse. Et maintenant? Maintenant, on est très gentil. Je n'ai pas à me plaindre de mes voisins, je n'ai pas à me plaindre de la population loudunaise. Loin de là, partout on me salue comme autrefois. Et que sont devenus ceux qui vous accusaient? Monsieur, je n'en sais rien. Je n'ai jamais revu aucun depuis. Ils ne vous ont pas donné de leurs nouvelles. Je ne désire pas en avoir. 2 ans après cet entretien, le 3e procès de Marie Bénard s'ouvre le 20 novembre 1961 à Bordeaux. Après de nouvelles exhumations et expertises, un seul cas pose encore question. Celui de la mère de Marie Bénard, dont les doses d'arsenic relevées dans le bassin sont plus de 10 fois supérieures à la dose mortelle. Après 3 semaines d'audience, la science tergiverse toujours sur l'arsenic, la terre du cimetière, les méthodes. Bref, c'est une impasse et Marie Bénard est acquittée le 12 décembre 1961. Elle meurt bien des années plus tard, au 14 avenue du Poitou, de Loudun, à l'âge de 84 ans. Arsenic et vieille dentelle. Mais comme un dernier pied de nez à cette histoire, elle refuse d'être enterrée à Loudun auprès de ses chers défunts. Non. Elle préfère offrir son corps à la science qui, pendant tant d'années, lui a fait porter pourtant le titre d'empoisonneuse du siècle. Je suis concierge rue de Bussy. Dans mon immeuble, il n'y a que des penseurs. C'est moi que je suis leur égérie. Je fume la pipe et je mange des fleurs. Je suis décadente. Le matin, quand je fais mes escaliers avec mes pauvres jambes avarices, je pense à Sisyphe et son rocher qui retombait dans un précipice. Je suis décadente. Quand Ernest, il veut me faire ma fête, je lui dis à quoi bon, très amer. Il me répond pourquoi pas, c'est bête, j'ai épousé un gars primaire. Je suis décadente. fois, quand je me sens trop lasse, sur ma porte, je colle un papier. Je mets la concierge et dans l'angoisse qu'il se débrouille pour le courrier. Je suis décadente, mais le suicide quotidien, ce n'est vraiment pas une vie. Le désespoir, ça n'est pas sain. On s'en lasse et ça, on les dit. D'être décadente, sentir qu'on n'est rien ici-bas, cela conduit à tous les vices. Fumer de la marijuana, c'est mauvais pour mes rhumatismes. Je suis décadente, le désespoir, j'en ai ma dose. Je vais prendre une place à Passy. Là au moins je serai quelque chose. Et puis j'aurai foi en la vie. Je serai méritante. Je vais avoir un rôle et d'être voix. Je me parlerai. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'affaire Marie Bénard avec notre invitée Madeleine Levaux-Fernandez. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai entre les mains le livre que vous avez écrit qui s'appelle Marie Bénard, l'honneur d'une femme. Donc, vous êtes historienne et on peut dire finalement biographe hein, de Marie Bénard. Ah, c'est vrai que tout le monde connaît ce nom de Marie Bénard, mais tout le monde ne sait pas exactement à quoi c'est relié, sauf ceux qui ont la bonne idée d'écouter Affaires Sensibles une fois, puis la bonne idée de l'écouter une deuxième fois à 3h du matin, et puis en podcast, et puis voilà, à satiété. Voire de lire mon livre. Et voire de lire votre livre, exactement. Qu'est-ce qui vous a emmené vers cette histoire? Parce qu'il y en a plein des histoires intéressantes. Pourquoi celle-là? Quel goût vous aviez pour cette histoire-là? Alors en fait, je suis d'un âge où j'ai connu l'affaire Marie Bénard, en tout cas son troisième procès. Mmh. Je m'en souviens parfaitement, d'autant que ma grand-mère achetait Détective toutes les semaines, et donc c'était quelque chose, c'est un vrai feuilleton qui nous tenait en haleine, on écoutait Frédéric Potcher, c'était quelque chose de très important, cette empoisonneuse. Et elle m'avait fascinée, et depuis toute jeune, j'étais convaincue qu'un jour, il faudrait que je travaille sur cette femme. Mais convaincu que je travaillerais sur une empoisonneuse. C'est ça, voilà, au début, pour vous, c'était l'empoisonneuse. Ah, c'est certain. Je n'avais aucun doute, c'était l'empoisonneuse de Loudun. Alors, on reviendra sur le fait que la justice n'ait jamais réussi à prouver cela, hein, pensant qu'elle était acquittée. Nous l'avons raconté dans le récit, c'est vrai, mais quelle était la situation sociale de Marie Bénard et de Léon? Donc ça, c'est le couple Bénard, Léon, c'est le deuxième mari. Je veux dire, c'est une femme ordinaire, elle a de l'argent, elle n'en a pas. Alors en fait, c'est une paysanne. C'est une paysanne dont les parents ont les moyens. Mais en fait, avoir des moyens à la campagne dans les années 50, c'est avoir de la terre. Ouais. Donc, ils ont pas mal de terre, ils ont des fermes, ils ont quelques maisons. Elle se marie avec un homme dont la famille est aisée. Ils ont une corderie, une boutique, un atelier de corderie plus la boutique qui va avec. Ils sont tous les deux à l'abri du besoin. Donc, ils font un mariage, je dirais, d'égales conditions. Oui. Voilà. Donc, socialement, ils sont l'un de la ville et l'autre de la campagne, mais d'égales conditions. Ensuite, Marie n'est pas du tout, elle n'a pas les deux pieds dans le même sabot, elle travaille beaucoup, elle se met à la boutique, elle continue à aider ses parents au champ, et finalement, il commence à avoir une certaine aisance. Et cette aisance se traduit par de nouvelles terres, par de nouveaux commerces, parce qu'on n'ouvre pas, dans les années 50, on n'ouvre pas un compte d'épargne, on achète de la terre. Mmh. Donc, en fait, tout ça va rester... pas mal d'argent, mais ça reste quelque chose de concret pour un paysan, mais ce n'est pas des espèces. Donc c'est une vie assez heureuse. Finalement, le seul malheur dans cette vie-là, pour Marie Bénard, c'est l'opération qu'elle subit. Je me suis un peu pris les pieds dans le tapis en donnant le nom scientifique tout à l'heure. On va dire ablation des ovaires, non? Oui, aujourd'hui, on disait aussi à l'époque la totale. Bon. Ça veut dire qu'on lui enlève les ovaires. Bon, voilà. C'est plus simple comme ça. Et bon, ça, c'est le seul malheur vraiment de sa vie, quoi. Hein, oui. Parce que sinon, c'est plutôt une vie simple. Enfin, ça va, quoi. Oh non, mais ils ont une vie heureuse. Ils reçoivent, elle a table ouverte. Ils ont beaucoup d'amis. Justement, ça aussi, ça fait partie un peu de la jalousie du voisinage. Elle reçoit des clients, des gros fermiers qui ont table ouverte chez elle. Donc, tout ça, elle a une vie tout à fait heureuse. Sauf que, effectivement, elle a ce problème et pour elle, il y a un avant et un après. C'est vraiment quelque chose qui a été un malheur dans sa vie. Bien sûr. Le décor de cette histoire, c'est donc une petite ville du département de la Vienne, une petite ville française avec ses passions françaises. Qui sont ces gens? Comment est cette ville? Est-ce qu'elle est une étrangère à Loudun ou non? Elle est vraiment bien intégrée? Madame non, c'est Bénard, une étrangère. C'est une étrangère. C'est une étrangère. Je dirais que même encore parfois aujourd'hui, dans certaines provinces, si vous n'êtes pas vraiment du village même, même si vous êtes de village à côté... Ça suffit de faire de vous une étrangère. Voilà. Donc elle arrive de sa campagne, elle n'est pas du tout de la ville. Quand elle arrive, là, elle arrive vraiment comme un cheveu sur la soupe, si on peut dire. Alors, cette histoire-là, c'est une histoire avec des personnages. Il faut des personnages pour faire une bonne histoire. Hein. Parmi ces personnages, il y a l'amie devenue l'accusatrice, Louise Pintou, qui sera présente lors des trois procès. Qui est-elle? Et puis, était-elle l'amante de la maîtresse de Léon? Alors, c'est une amie de Marie. C'est Marie qui la rencontre un jour en revenant du marché dans un autocar. Et on dit qu'elle était la maîtresse de Léon. Ceci dit, Marie, dans ses mémoires, dit les avoir surpris en train de s'embrasser. Bon. Donc, elle dit qu'elle les a surpris en train de s'embrasser. Donc, elle s'imagine, bien sûr, que le reste va avec. Mais comme elle ne peut plus donner à son mari ce qu'elle souhaiterait en tant que femme, en tant qu'épouse, elle se dit qu'au moins, ça ne sort pas de la famille, hein, d'une certaine manière, autant que ce soit Louise, plutôt que d'aller chercher ailleurs dans la ville ou dans les rues chaudes de la rue de Loudun. En tout cas, Léon meurt en 1947, mais il faut attendre 2 ans avant que la justice s'intéresse à ce décès. Et donc, c'est cet inspecteur Normand qui est le premier à enquêter sur cette affaire. On va l'écouter. Il raconte l'un des interrogatoires qu'il a mené, celui du 29 juillet 1949. Et c'est un extrait, toujours, de l'émission Le Vif du Sujet. Vous vous rappelez de cet interrogatoire? Ah oui, oui, je m'en rappelle. Je sors devant vous un livre qui doit vous faire frémir. Il s'agit des mémoires qu'a publié Marie Bénard en 1962 après son acquittement. Vous ne l'avez pas lu? Non. Vous n'avez jamais lu? Non. Vous êtes dedans, évidemment, inspecteur Normand. Oui. La porte se referme sur nos quais, Normand et moi. On est donc le 21 juillet 1949. Eh bien, vieille filouze, vous allez l'avouer maintenant? Elle est positive, l'analyse de votre mari? Vous lui avez fait bouffer de l'arsenic. Oh, jamais cette question qu'on a été posée comme ça. Monsieur, vous me dites des mensonges. On n'a rien pu trouver à l'analyse. Et vous lui répondez, selon elle, « Ah, quelle bourrique, vous n'allez pas recommencer, puisqu'on vous dit qu'elle est positive. » Marie Bénard tient bon sur ce premier interrogatoire. Mais nous l'avons interrogée, c'est-à-dire peut-être pendant 2 ou 3 heures. Non, elle mentait. Monsieur, je dois vous dire qu'en tant que policier, je connais d'autres affaires d'empoisonnement. Une empoisonneuse n'avoue jamais. Voilà, sur ces bases-là, elle est mal partie. Hein. Parce que durant toute l'instruction, il y a eu plusieurs mauvais coups de la police. Tiens, notamment, il y a les aveux de Marie Bénard récupérés par ce qu'on appelle des moutons, hein, c'est-à-dire des prisonnières à la botte de l'inspecteur qui vont dans la même cellule, dans la même prison, récupérer les aveux de Marie. Ça fonctionnait comme ça? Alors oui. C'est un traquenard. Oui, c'est un traquenard. On place dans sa cellule un premier mouton avec qui elle va devenir très très très amie. Et qui lui fait croire qu'elle est en relation avec un gang à Marseille et qu'on pourrait l'aider. Mais pour l'aider, il faut qu'elle dise qu'elle est coupable. Parce que ce gang de Marseille, naturellement, n'aide pas des gens qui sont innocents. Ils n'aident que les coupables comme eux. Donc, elle essaye de la convaincre. Ensuite, on la change de cellule. On la met encore avec 2 autres moutons. Deux femmes qui disent, oh ben, on est très copines avec la première. Elles font un échange de courriers et elles finissent par lui faire écrire cette lettre dans laquelle elle dit, je suis coupable. Elle la cache dans sa table de nuit. Et là, il y a une perquisition et l'inspecteur va directement à l'endroit où la lettre est cachée et la retire en disant, voilà, il y a son aveu. Donc, cette lettre va faire polémique parce que Marie va dire ensuite qu'elle avait écrit « Je ne suis pas coupable » et que la lettre aurait été grattée et qu'en fait, on a falsifié ce qu'elle a écrit. Mais il y a quand même un traquenard qui lui est tendu à ce moment-là. C'est même carrément une machination. On peut dire que l'instruction a été menée à sens unique. Puisque quand elle arrive dans le premier procès, elle est pour tout le monde empoisonneuse. Et on l'a vu, hein, ce sont notamment les experts arsenicologues qui se sont fait coincer. Mais elle arrive, elle est coupable, quoi. Elle est présumée coupable immédiatement. D'ailleurs, lorsqu'on entend tout à l'heure l'inspecteur Normand qui dit on l'a pendant 3 heures, on l'a interrogée, c'est une menteuse. Bon, ils l'ont même carrément malmenée. Son avocat est arrivé à ce moment-là pour tout arrêter, mais elle a été malmenée alors qu'elle était là interrogée en tant que témoin. Elle n'était pas encore inculpée. Et on va rechercher des choses qui pourraient peser lourd. Je crois qu'on a parlé de son chien. Castor, qu'elle aurait tué à l'arsenic. Oui, alors l'histoire du chien Castor revient fréquemment. Mmh. En fait, lorsque son père meurt, elle laisse les terres, elle emmène sa mère avec elle, elle ne veut pas la laisser seule, elle emmène sa mère avec elle et elle laisse les terres à un fermier. Son père avait un chien qui était malade, vieux, c'était le fameux chien Castor. Il était tellement vieux que personne ne veut s'en occuper. Elle dit, je ne veux pas avec moi, le fermier ne veut pas. Hein. Donc elle dit, il n'y a qu'à le tuer. Donc à la campagne, on ne s'embarrasse pas, on donne un coup de fusil pour tuer une bête malade. Oui. Sauf que personne ne veut s'en charger. Il se trouve que le vétérinaire arrive, il venait pour une jument. Elle lui dit, vous tombez bien, il faudrait piquer le chien. Il n'a pas ce qu'il a sur lui, il n'a pas ce qu'il faut. Il aurait donné une espèce d'ampoule à boire au chien. Le chien est mort tout de suite. Naturellement, ensuite, ça a été déformé. On a dit, Marie a emmené le chien dans la grange. Elle est restée avec lui quelque temps. Et quand on est revenu, le chien écumait, elle l'avait empoisonné. Et ce pauvre chien Castor va devenir une des pièces, pas maîtresse, mais enfin qui va revenir régulièrement tout au long du procès. Du genre, si on est capable de tuer son chien à l'arsenic, on est capable de tuer 12 humains de la même façon. Absolument. Hein, bah voyons, absolument, c'est tellement simple. Bon, parlez-moi cet Allemand-là, Alfred Dietz, quel rôle il tient? Je crois qu'il n'est jamais venu lors des différents procès d'ailleurs. Non, alors en fait, il n'est pas venu parce qu'il n'a pas réussi à avoir un laissez-passer, il n'a pas réussi à avoir une autorisation de quitter l'Allemagne, et c'est la raison pour laquelle il n'a pas pu venir. Donc il a écrit à Marie, mais bon, il n'a pas pu, on ne lui a pas laissé l'opportunité de venir. En fait, ce jeune homme, Marie l'aime beaucoup. Beaucoup. Louise Pintou aussi. Beaucoup. Toutes les deux, je crois qu'elle l'aime beaucoup. Mais c'est un amour très ambigu parce que elle l'aime, Marie, elle l'aime comme le fils qu'elle aurait pu avoir. Il a l'âge d'être son fils. Ah oui, il y a ça aussi, bien sûr. Louise Pintou, c'est un peu ambigu aussi. Chacune lui donne un paquet de cigarettes de temps en temps. Enfin bon, on essaye de... et ça, forcément, après, ça va se retourner contre elle. Et on va dire, voilà, certains diront même avoir vu Alfred rentrer dans la grange avec Marie en ayant la main sur sa poitrine, enfin bon, on invente tout ce qu'on veut, et c'est vrai que Marie parle de lui en disant « j'étais sa mère et sa grand-mère ». Alors, heureusement qu'il y a, finalement c'est ce qui a sauvé Marie Bénard, c'est ses experts chimistes. Alors les psys sont terribles, hein, comme souvent. Ah, anormalement normal. Ah oui, et quand elle dit, elle est magnifiquement consciente de ce qu'elle fait. Ils y vont. Elle est très très consciente et tout à fait, elle sait ce qu'elle fait. Elle est sauvée finalement par la vanité de certains experts chimistes, arsenic, tout ça. En fait, c'est ça qui la sauve. Leur vanité, je ne sais pas, parce que très vite, dès le deuxième procès, on n'est plus dans le procès de Marie Bénard, on est dans le procès des toxicologues. Et donc, ils se battent les uns contre les autres, en reléguant Marie au deuxième plan. On s'en fiche complètement, qu'elle soit coupable ou pas. Chacun veut y aller de sa démonstration. Bon, on a eu déjà la première démonstration de Bérou avec ses tubes, dont il reconnaît l'arsenic à l'œil nu, et il n'y avait aucun arsenic nulle part. Il se fait coincer, voilà. Bêtement. Et après, il y a d'autres. On fait faire une grosse maquette du cimetière pour expliquer comment les eaux pluviales, puisque le cimetière est en pente, comment les eaux pluviales peuvent drainer de l'arsenic. Que l'arsenic, on en trouve dans les arrosoirs, dans les croix sur les cimetières, dans les tombes, il y en a partout de l'arsenic, et que donc les eaux pluviales, aidées par les vers de terre, les asticots qui remuent la terre, etc., tout ça fait que l'arsenic se promène dans la terre. Alors après, il y a une autre bagarre, c'est l'arsenic a-t-il, ou est-elle, je ne sais pas si arsenic c'est féminin, est-il... Moi non plus. On dit souvent l'arsenic, on dit rarement une arsenic ou un arsenic. Donc l'arsenic est-il exogène, c'est-à-dire est-ce qu'il peut rentrer de l'extérieur? Donc à nouveau des expériences avec des chiens que l'on empoisonne à l'arsenic, d'autres que l'on tue normalement, on les enterre, on les redéterre 2 ans après pour voir s'ils ont de l'arsenic dans le corps, comment ça... Enfin bon, c'est une faillite, quoi. C'est quand même une belle faillite. Ah, hein. C'est une belle faillite. Bon, on va écouter la voix de Marie Bénard une dernière fois. C'est quand même le personnage central de cette histoire. En 61, après plusieurs controverses scientifiques, donc on l'a dit, Marie Bénard est acquittée. Quelques mois plus tard, on publie ses mémoires et à cette occasion, elle est l'invitée de l'émission Lecture pour tous. Oh, bon, on va l'écouter, on va écouter un extrait de la voix de Marie Bénard et de ses mots. Votre dernier chapitre commence par cette phrase « Marie Bénard est acquittée ». Le président Nussi Saint-Saëns précise que je dois aussitôt être remise en liberté. La formule est belle quand on l'attend depuis 12 ans, mais j'avoue que j'aurais aimé entendre de la bouche du président « Marie Bénard est innocente ». C'est peut-être à peu près pareil, mais j'aurais préféré entendre cette phrase. Quoi que vous sachant innocente, est-ce que parfois vous avez craint, redouté d'être condamnée ? Non, j'ai toujours eu confiance, parce que je n'avais rien fait. C'est ce qui m'a tenu pendant 14 ans. De tout ce procès, le moment le plus pénible, qu'est-ce que c'est ? C'est lorsque j'ai vu sortir le cercueil de mon cher mari de son tombeau. Et après, naturellement, quand on parlait de ma petite maman. Alors, votre éditeur a écrit en 4e de couverture, Marie Bénard est-elle coupable ou innocente ? Madeleine Levaux-Fernandez, donc vous, ne répond pas directement à cette question, même si sa sympathie pour le personnage ne peut échapper au lecteur. Donc, 2 questions, est-elle coupable ou innocente ? 2e question, vous est-elle sympathique ? Alors, la première question, c'est difficile, je ne peux pas y répondre, bien parce sûr. Qu'on n'a pas prouvé ni dans un sens ni dans l'autre. Si vous voulez, je la pose pour la beauté du geste. Voilà, j'ai une formation d'historienne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis partie dans l'idée de travailler sur une empoisonneuse. J'ai pris toutes les archives, j'ai tout repris, tous les documents que j'ai pu trouver, j'ai remis dans l'ordre, voilà. Bon. Après, m'est-elle sympathique ? Oui et non. Pas spécialement, disons que ce qui m'est... Je suis émue quand j'entends sa petite voix, là. Ben quand, oui, voilà, et même quand vous vous plongez dans sa vie, comme ça, au point d'en écrire 300 pages, il n'y a pas un rapport intime qui se... Oui. Forcément, hein, forcément. Oui. On entre c'est pas forcément dans de la sympathie, c'est vrai. On entre dans la vie du personnage, maintenant... Si, bien sûr, il y a une certaine sympathie. Il y a une certaine sympathie, surtout lorsque je sens tout ce qu'elle a pu endurer, lorsque je vois tout ce qu'on lui a fait subir, et que finalement, rien n'a été prouvé. Ce qui est pour elle quelque chose de très grave. Elle le dira jusqu'à la fin. Elle aurait voulu qu'on dise qu'elle est innocente. Oui. Donc là, elle est restée avec le doute. Elle n'a pas été... le doute, pas elle, évidemment. Pas elle. Mais même le doute de l'opinion, le doute de la justice, c'est la question de la réhabilitation. Voilà. Elle aurait aimé qu'on dise qu'elle est innocente. Bon, alors, quelle était sa vie après l'affaire ? Ben, elle est revenue à Loudun. Elle est revenue avec une amie qu'elle s'était faite en prison, une jeune femme qui était dans la même cellule qu'elle. Elle est revenue avec elle. Elles se sont installées, elles ont commencé par récurer la maison, parce que 50 toiles d'araignée, c'est pas mal. Après, elles sont allées au marché, comme si de rien n'était. Elle était un petit peu angoissée la première fois. Et puis, progressivement, des gens sont venus la voir, lui ont dit bonjour, et bon, ça s'est arrangé. Mais elle était complètement ruinée, parce que 5 ans sans, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas de l'argent qu'elle avait, c'était des bâtiments, des terres, 5 ans sans être entretenue. Bien sûr. A dû vendre celui-ci pour réparer celui-là, vendre tel autre pour réparer tel autre, elle avait plus d'argent. Plus, elle était de santé très très fragile, elle avait des problèmes cardiaques. Elle a essayé d'ouvrir un petit commerce de lingerie pour enfants, mais elle était trop malade, au bout de 2 ans elle a fermé et elle est morte complètement paralysée pratiquement par les rhumatismes. Merci en tout cas Madeleine Levaux-Fernandez pour tous ces éclairages sur la vie de Marie Bénard. Votre livre s'appelle L'honneur d'une femme. L'éditeur, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je vais le dire, en plus il a un joli nom, Le Temps des Cerises. Au revoir. Merci madame. À vous. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Marie Bénard, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles.